13.9, observation, obligation et supposition. Devoir au présent. Devoir comme obligation. Je dois aller à Chartres demain. Mireille doit aller à Chartres. Il lui faut aller à Chartres. C'est utile pour ses études. C'est une obligation, une nécessité. On doit travailler pour apprendre le français. Pour apprendre le français, il faut travailler. C'est une nécessité. Devoir indique aussi une supposition. Si votre père est banquier, vous devez être riche. Mireille suppose que Robert doit être riche, puisque son père est banquier. C'est une supposition. Notez que doit et devait sont des formes du verbe devoir. Devoir? Je dois, tu dois, il doit, ils doivent. Nous devons, vous devez. Le verbe devoir indique une obligation, une nécessité. Je dois aller à Chartres. Mais il peut aussi indiquer une supposition, une probabilité. Robert doit être riche.